Boum Boum Mot. Boum Boum Mot. Musique française. Des années 60 à 80. Boum Boum Mot, musique française curieuse tous les mercredis soirs. De retour dans les conditions du direct sur Prune de 22h à 23h. La fin de saison approche, mais nous sommes encore en pleine forme. On a plein de belles surprises à vous réserver. Jonas, tu danses ? Yes, bah ouais, toujours heureux de revenir en live dans les conditions du direct. Ça me va très bien. Ce soir, nous recevons à distance les Mashup Superstars. Les Mashup Superstars, qui sont-ils ? C'est un collectif de 4 DJ et producteurs parisiens hyperactifs, spécialistes, comme leur nom l'indique, du mashup. Qu'est-ce qu'un mashup, Jonas ? C'est le mélange plus ou moins subtil de deux morceaux. Là où les Mashup Superstars sont vraiment des superstars, c'est qu'eux, ils mélangent des morceaux qui ne sont pas toujours du tout, totalement, complètement se mélanger. Leur travail est souvent improbable, toujours drôle et bien foutu. On va passer avec les Mashup Superstars pendant une heure du rock à l'afrobeat, du hip-hop à la chanson, pour une heure de mix francophone et français. Ils ont joué le jeu Boum Boum Mot, évidemment, où Dr. Dre peut croiser à tout moment Michel Berger et où Serge Gainsbourg peut par exemple se retrouver à chanter avec les Offspring. Enculé de ta race ! Ok, Jonas, je sais que on va pas dévoiler une partie. Enculé de ta race ! C'est parce que je parle d'Offspring que tu dis ça. On va pas dévoiler une partie de mon adolescence. Je sais que t'aimes bien me chambrer là-dessus, mais non, il y a autre chose. Il y a autre chose. Ça fait longtemps que j'ai ça sur le cœur et il fallait que je te le dise, Vincent, parce que je sais que t'as une connexion particulière avec un des membres du collectif, Gasto Kilo. Exactement. Et il a un autre rôle aussi, il est webmestre, il est webmaster d'un site qui me tient beaucoup à cœur, qui est un recueil de samples de la classe américaine, là, qui n'est pas un flims sur le cyclisme. et voilà, et en fait ce site est parfait, à la chose près qu'il manque un sample, celui-ci. Enculé de ta race ! Et ouais, voilà. Et du coup, je tiens à réitérer ma demande parce qu'on s'est déjà croisé une fois avec Gaston Kilo. Et Gaston Kilo, s'il te plaît, si tu nous écoutes, il manque ce dernier sample. Je l'ai à ta disposition. Il est bien, il est propre, il est bien encodé. Et voilà, je te l'offre. Au pire, si t'as pas le temps, tu m'offres un accès FTP à ton site et je bouge ça sans problème. C'était un piratage d'antenne en règle, Jonas. Voilà, le message est passé. Gaston Kilo, membre des Mashup Superstars. On reprend le cours de cette émission un peu spéciale. Ils vont défendre des esthétiques un peu différentes. On n'a pas forcément l'habitude d'entendre ce genre de mix dans Boum Boum Mot. Les Mashup Superstars sont avec nous pour un mix francophone et français. Ça mélange absolument tous les morceaux. C'est juste à la frontière entre le génial et l'absurde, c'est trop cool, une émission vraiment à part. Boum Boum Mot, ouais. C'est la 207e, on est sur Prune jusqu'à 23h. Bonne désolé écoute. Désolé pour les enfants. Là j'ai pas le temps pour toi. J'ai pas effort, là tu fais trop d'efforts. C'est pas là, c'est pour les mecs comme ça. Taquer pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes. Ça va claquer, crack. Pour les bombay, ça va grave, crack. J'crois que c'est leur King Kong. J'suis gang, or game. Boy ne joue pas, bang, bang, bang. J'suis gang, or game. Boy ne joue pas, bang, bang, bang. Clap, clap, clap, clap. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Clap, clap, clap, clap, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bébé, bébé du sale, allô, allô, allô. Million de dollars, bébé du beau son. tu vois ça. GC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies thug, homies, yeah, they giving it up. No lie, yo lie, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she grabbing the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smoke, just a swank in my hand. Trick, quit talking, crib walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet. Out of town, put it down for the follow up rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. Elle me suivrait jusqu'en enfer. Et même l'enfer, c'est pas grand chose. À côté d'être seule sur terre. Et elle y pense seule dans son lit. Le soir entre ses draps roses. Soirée vacille, une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râle que c'était nul que ça craignait le samedi d'après. On revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au balai des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles, c'était moins rose. Oh cousine, tu t'aimes ou je t'explose? Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué. Oh, comment tu parles à ma soeur? Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière le vitré. Et tout s'arranger, tout se régler à la danse. L'un disait fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, quand je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi, je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi K8, c'est 73. J'aime sans même mon petit, du grand bayou. À la plus grosse montiette, d'un main sur le volant. La danse dans mon tête, par un soleil qui déroule, par un brise arrière. Dédé et Valérie, écrit en gros. La bonne époque où on sortait la bouse sur ma tête. On lui collait la bande rouge à la Starsky Hutch. J'avais la nuque, on mérite aussi mal. Et quand on a tout pas la marre, les bastards, les frères, la marre, les tarpons. François et Joe, déjà à la danse, à côté d'une personne, ne bouge plus de pire. On danse et de pire. En place, en place, qui s'aime à l'infini. Laisse-le qui aime les coups, qui aime l'amour. Être à genoux, le SM est à tout. Je ne juge pas, mais tout le monde n'est pas comme moi. Je vous l'avoue, moi je m'en fous. Les gens me montrent du doigt, j'ai fait mon choix. J'ai pas choisi de naître ici, contre l'ignorance et la avec des moyens légaux. ses mouvements, je comprends pas ses mouvements. Elle a mis sa jambe en l'air, elle a fait l'hélicoptère, elle a bloqué l'ascenseur, elle a bloqué l'ascenseur. Comment t'as mis tu ce soir? Moi je m'habille en noir et je vais rentrer tard. Comment t'as mis tu ce soir? Parfois un enfant.

N'expose nos têtes, explose. N'expose nos têtes, n'expose nos têtes, explose. N'expose nos têtes, n'expose nos têtes, n'expose nos têtes, n'expose nos têtes. Original, welcome on dans la ville de Paris. Y'a le thé joli,

demi micheton près des mères. Quoi, y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de coucou dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de chouille saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de boulette, de boulette qui sont dans leur cou. Alors on est con, ouais ouais, on est con. Calculatrice, Betamax, les jeux de 20h, poule magique, basket, trick, street, V2000, mais pour ne leur donner les qu'une autre, un ébé s'extile à l'autre. Et s'il y a nos pages, on prie pas l'apôtre. Dans l'œil, on a pas de poutre, yo, on a joué la c'est pour les quartiers chics, pour les quartiers.